Avec une petite chariote. Hein. Tiens. T'as pas le droit de dire. Oh, ma mère! Allez, viens! Voilà, y'a pas le droit d'attraper. Mais, y est, ils arrivent. Tu connais? Mon cousin, je vais être maintenant pour jouer à Free Fire.